18-21, observation, ordre, impératif et pronom personnel. Tu embêtes ta sœur. Tu l'embêtes. Ne l'embête pas. Laisse-la tranquille. Dans les phrases 2, 3 et 4, l'apostrophe ou la est un pronom personnel qui représente Mireille. Le pronom personnel est généralement placé devant le verbe, phrase 2 et 3. Mais il est placé après le verbe dans le cas d'un impératif positif, phrase 4.